طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام، نحن في أي باب في هذا الكتاب؟ من يذكر؟ فضائل العلماء، هكذا ولا؟ باب الوضوء. باب الوضوء؟ باب الطهارة. باب الطهارة؟ لا، أيوة هذا كتاب آخر. باب، نحن في أي باب؟ ها، باب مهم جدا. العلم أعز من الملك. العلم أعز من الملك. Le fait que la science est plus importante que la royauté. نعم. قال وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال باب من العلم. طيب. Donc là c'est une parole de أبي ذر وده كذلك أبي هريرة. يقولان باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا. Ils disent un chapitre de la science qu'on apprend, c'est meilleur pour nous que ماذا؟ que mille ركعات sur le rogatoire. سبحان الله. Un باب pour eux c'est meilleur que mille ركعات sur le rogatoire. وقال وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من مئة ركعة تطوعا. Et donc ils disent que un chapitre de la science que on enseigne aux gens qu'ils œuvrent avec ou qu'ils n'œuvrent pas avec, c'est meilleur pour nous que 100 ركعات. C'est meilleur pour nous que 100 ركعات. وهذا كلام يعني جميل جدا، كلام جميل جدا لو صحت، لكن هذا حديث ضعيف، c'est ضعيف. لكن هذا c'est presque un إجماع comme quoi العلم، طلب العلم c'est la meilleure des عبادات après les نوافل. Y a pas de خلاف بين العلماء فيما أعلم في هذا الشيء. Comme quoi le talab al-ilm c'est vraiment la meilleure des œuvres surrogatoires. وقد ظهر بما ذكرنا. Donc là c'est l'imam Ibn Jama'a qui parle, qui dit وقد ظهر بما ذكرنا أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من النوافل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك. Donc on vient de voir de par cela, de par tout ce qu'on vient d'évoquer, que le fait d'être occupé par la science ou dans la science dans le but d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire avec sincérité, est meilleur que toutes les œuvres surrogatoires que le corps peut faire, comme la salat, comme le jeûne, comme l'évocation, comme la dua, l'invocation ou autre. وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس. Et ceci parce que le bienfait de la science, ça englobe son auteur ainsi que نعم ainsi que c'est que les gens. نعم. والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها. Et tandis que les œuvres surrogatoires sont limitées à celui qui les commet, à celui qui les fait, à son auteur, quoi. نعم. ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها. Donc la science, elle authentifie autre chose, yani toute autre chose parmi les adorations. Donc l'adoration, elle est obligée d'être effectuée avec la science. Naam. Et c'est-à-dire l'adoration, elle s'arrête sur la science. C'est-à-dire l'aboud, c'est obligé pour faire une adoration d'avoir une quelconque science. Naam. Et ce n'est pas le contraire. Et ce n'est pas le contraire, naam. Tu peux apprendre la science sans toutefois adorer, c'est-à-dire avec le badan. On parle d'adoration du badan. Naam. Ou alla al-qalb, l'aboud. Talab al-ilm, ibada. Naam. Taïb. Qala... ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم وليس ذلك للمتباعدين. Donc et ceci aussi parce que les savants sont les héritiers des savants les héritiers des prophètes et ce mérite là n'est pas pour ceux qui sont loin de la science. نعم ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه. Et aussi parce que la science sa trace elle va rester après la mort de son auteur. وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها. Tandis que les autres actes surrogatoires elles s'arrêtent avec la mort de son auteur. ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. Et aussi dans le fait que avec le fait de que la science reste, il y a en cela une préservation de la législation. نعم. فهذا هو وإن شاء الله في اليوم القادم سندخل في فصل آخر وهو المراد بالعلماء وهم العاملون. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.